C'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher notre émission, nos podcasts, autres nouvelles aussi qui sont postées en même temps. Il y a aussi la page Facebook de l'émission, donc dans la barre de recherche Facebook, vous tapez Puissance Maximale et vous allez nous retrouver assez facilement. Et allez appuyer sur le bouton j'aime parce que nous, on vous aime. Malgré les grosses journées de travail qu'on fait avant de venir ici, on est toujours content de venir s'asseoir ici à Sekaïa pour vous parler jeux et univers geek. Et parlant de Sekaïa, il y a toujours le site internet, le www.sekaïafm.org, pour aller chercher votre carte de membre, encourager la station, un micro libre à Québec, un choix de musique différent et aussi des émissions comme Puissance Maximale. Et on va commencer ça en musique, comme à notre habitude, pour une première chanson avec un groupe metal que j'aime bien qui s'en vient à Montréal, qui avait dû annuler sa participation à Heavy Montreal, mais qui est de retour. Je parle du groupe Deathlock avec la chanson Hatred Copter. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Hatred Copter de Deathlock. Et vous, on va continuer en chronique avec M. Andrew Castegan qui va nous parler de Kingdom Hearts 3D sur la 3DS. Oui, en fait, jeu qui est sorti en 31 juillet 2012, excusez-moi, je regardais pas bonne ligne, mais tout ça pour dire qu'il est sorti le 31 juillet 2012, jeu qui est une suite directe du Kingdom Hearts 2, qui avait eu sur PlayStation 2, mais faites attention, ce n'est pas le 3, comme je disais, c'est comme un entre-deux pour faire la liaison à Kingdom Hearts 3. En fait, pour le monde qui ne connaisse pas le monde de Kingdom Hearts, c'est un crossover, en fait un mélange de deux univers, qui est l'univers de Square Enix, donc Final Fantasy et tous les personnages qu'on connaît dans le fond des franchises de Square Enix et de Walt Disney. Ça peut paraître pour le commun des mortels qui, ben moi je connais pas trop la franchise, mais ça peut sembler un peu, pas douteux, mais un peu bizarre comme mélange. Ben je dirais que moi et tout, le premier coup j'ai vu le 1, j'étais de cette opinion là, puis le vendeur au microplay à l'époque qui s'appelait François, je le salue s'il nous écoute, et il disait que, ah non, laisse-toi pas bluffer, c'est vraiment excellent comme jeu, c'est un très bon RPG, action, tout ça, puis je l'ai essayé, je me suis laissé... J'ai été conquis, dans le fond, par la franchise. Mais c'est quel genre de jeu, pour ceux qui connaissent pas la franchise? En fait, c'est un action RPG. Donc, dans le fond, on contrôle un personnage, qui est Sora, qui est, dans le fond, un jeune qui se retrouve dans tous ces univers-là, un peu bien malgré lui, dans le premier épisode. Et c'est très action. Là. C'est pas un combat tour par tour, là, comme on est habitué de voir dans les Final Fantasy ou autres jeux de Square Enix. On parle un peu... comment je pourrais dire ça, c'est dans le fond, quand on appuie sur X, on a un genre de petit menu sur le côté qu'on peut naviguer dedans avec les flèches, sauf que dans le fond c'est des actions qui se font tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente avant d'attaquer, fait que on peut, c'est de l'action très rapide. C'est mais pas même... des tours des combats de RPG là, justement la Final Fantasy où chacun attend son tour et... Non, c'est ça, c'est un peu comme hack and slash, je peut-être dirais un peu plus près de Final Fantasy 11 et 12. Oui, puis non. Le gameplay est un peu dans ce genre-là, mais un peu moins RPG quand même, parce que t'es, on n'a pas tant d'équipement ou d'inventaire à gérer que ça. Là, t'es. On a notre épée à gérer, nos potions, nos enfants de même, on n'a pas d'armure ou de choses comme ça à gérer. Là, t'es. C'est quand même strict minimum là, à ce niveau-là. Puis en même temps, on n'a pas de commandes qu'on peut dire à nos coéquipiers, parce que dans le fond, généralement dans ces jeux-là, on se retrouve en équipe avec Donald et Goofy, l'univers de Mickey. Puis, dans le fond, on n'a pas d'ordre à leur donner ou quoi que ce soit. Ils agissent de leur plein gré, dans le fond. Puis, il y a des... dans le fond, il y a des... Oui! Oui, c'est ça! puis, c'est ça, dans le fond, il n'y a pas d'ordre à donner. On fait pas de party, on fait pas de gestion d'équipe, dans le fond. On fait juste donner les armes au bonhomme, puis les bonhommes, ils s'occupent de ça. Mais, tu sais, il y a non plus quand on attaque l'ennemi, c'est pas comme dans les Final 11, on n'a pas un nombre de points de dégâts qui apparaît pour dire « Ah, tu as fait 34 de dégâts! » Tu sais, il y a une barre de vie, les monstres ont une barre de vie, puis ils descendent un peu comme Ninja Turtle, in time, quand on se battait contre les méchants, il y avait une petite barre de vie qui apparaissait. C'est à peu près le même principe, mais avec un peu plus d'éléments d'RPG. C'est un peu, c'est un hybride dans le fond, c'est un hack and slash avec des éléments d'RPG, si on peut résumer ça, là. Mais tu sais, je vous dirais que dans le fond le principe c'est que on se retrouve à jouer dans tous les univers de Disney, on peut se retrouver dans l'univers de Tarzan, on peut se retrouver dans l'univers de La Belle et la Bête, des choses comme ça, mais en même temps, ils ont trouvé une façon d'intégrer de point de vue comportemental des personnages, les personnages de Final Fantasy. Donc on peut rencontrer comme exemple, on serait un moment donné dans le monde d'Hercule, où il y a le Colisée où on fait des combats de gladiateurs, mais on rencontre Sephiroth puis Cloud qui sont là, qui sont dans la compétition. Et c'est vraiment les personnes. Ils ont conservé vraiment le caractère des personnages de Final Fantasy. Puis ils ont juste mis en équipe avec des personnages de Disney qui sont compatibles avec eux autres. J'ai une question, moi. Parce qu'on s'entend des fois que les fans des franchises comme Final Fantasy, il y en a des purs et durs des fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont crié au blasphème, au sacrilège, en mélangeant des fois l'univers très, très sérieux parfois de Final Fantasy avec le très. Ludique, mais aussi être plus enfantin de Disney, c'est parfois. Oui, ben c'est comme je dis, il y en a beaucoup qui ont pas apprécié la série juste à cause de ça, qui ont jamais joué au jeu, qui l'ont jamais vu, mais ils sortent quasiment le crucifix puis l'eau bénite quand quelqu'un sort la boîte parce qu'il dit non, blasphème, c'est le produit du démon. Et j'étais un peu ce genre-là avant de l'essayer, je vous dirais. Là. J'étais un peu réduit de Final et quand je voyais ça, j'ai fait. Non. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Généralement, pas mal tout le monde que je connaissais qui avait cette opinion-là l'ont essayé une fois, puis ont fini par l'apprécier, puis qui me l'empruntent tout le temps, parce que j'ai la série complète. Fait que, t'sais, je vous dirais là, que c'est vraiment, faut l'essayer. C'est un M ou M pas. Mais sinon, au niveau chronologique, dans le fond, juste pour décrire un peu le comme je dis, l'univers, c'est que c'est des mondes de Disney. Ces mondes-là sont complètement indépendants. Donc, le monde qui sont dans le monde de Tarzan ne savent pas qu'un monde de la petite sirène. Ils sont pas au courant de cette connexion-là. Et dans le fond, Sora et d'autres personnages, eux autres, ils ont au lieu d'avoir une épée, c'est une grosse clé qui appellent des Keyblades. Et ces clés-là ont le pouvoir d'ouvrir des chemins pour connecter les mondes. Et dépendamment de dans quel jeu vous jouez, ces mondes-là sont en danger par un type de créature X, Y ou Z. Ça peut être soit les Heartless, qui sont des créatures des ténèbres qui n'ont pas de cœur et qui essaient de voler le cœur des habitants. Il y a les Nobody qui n'ont pas d'identité et qui essaient de voler comme un peu la vie des habitants. Et il y a les Rêves et Cauchemars dans Dream Drop Distance, qui, dans le fond, endorment les mondes en question et se nourrissent des rêves des habitants et ainsi peut plonger le monde dans les ténèbres ou l'améliorer dans le cas des rêves. Fait que nous autres, on se retrouve dans le fond à jouer Sora qui va devoir se promener dans ces mondes-là et les réveiller dans le fond pour éliminer ces cauchemars-là et ainsi sauver l'univers entier et le Kingdom Hearts. Parce que bien sûr, l'ensemble de cet univers-là est géré par une grosse entité qui s'appelle le Kingdom Hearts. Comme le cœur du royaume. Donc, dans cet opus-là, Andrew, par rapport, disons, à d'autres jeux, est-ce qu'il y a un gros changement au niveau du gameplay ou c'est sensiblement la même chose? Je dirais qu'ils ont été assez conservateurs. La mécanique du jeu fonctionne. C'est ça, le premier, ils ont fait des ratés. Le deuxième, ont vraiment mis un gameplay solide. Donc, ils ont quand même gardé la même lignée à travers la série en mettant des petits ajouts au niveau du jeu. La grosse différence qui arrive avec celui-là, c'est qu'en fait, il y en a deux. La première des choses, c'est qu'on joue Sora et Riku. Riku étant le meilleur ami du personnage principal, et on va les jouer en alternance. Parce que, chose qu'on apprend, c'est qu'il y a deux mondes endormis. T'sais, mettons, on va dans le monde de Tarzan, il y a comme un univers parallèle où il y a un nombre X d'habitants. C'est qu'en plus d'avoir des univers, différents univers, il y a des univers parallèles à ces univers-là. Exactement. Okay. Dans le fond, c'est comme si le monde était coupé en deux. Il y a un nombre X d'habitants qui sont dans un univers, un autre nombre X d'habitants dans l'autre. Et pour que tout revienne ensemble et se réveille, il faut que Sora et Riku réussissent leur mission dans chacun de leur univers. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va basculer dans le fond d'un univers à l'autre entre les personnages, parce que quand on va jouer avec Sora, on a un temps limite qu'on peut jouer avec lui avant qu'il s'endorme et qu'on bascule sur l'autre. Je vous dirais que c'est un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est quand on est vraiment dans merde, si vous me permettez, on est vraiment en train de se faire casser la gueule par un boss, mais on peut basculer quand on veut sur l'autre. Mais le malus, c'est quand on va retourner sur Sora. Oui, on va avoir récupéré notre vie, mais on n'aura pas récupéré nos items et le boss va être plein de vie. Fait que. Ça nous donne le temps de repenser notre stratégie, mais on revient au point de départ moins certains items qu'on a déjà utilisés. Exactement. Fait que c'est un bien pour un mal. Mais en même temps, ça évite l'abus, en fait, de ce système-là. Donc, d'un autre côté, c'est quand même un balancement qu'ils ont fait. Sinon, l'autre côté, l'autre nouveauté qu'ils ont mis dans Kingdom Hearts 3D, c'est que Riku et Sora, cette mission-là, c'est la mission avant qu'ils deviennent les Keyblade Masters, donc des maîtres de l'épée clé. Et ils ne sont pas en équipe avec Goofy et Donald dans ce jeu-là. Ils vont devoir être en équipe avec des rêves. Donc, dans le fond, les fameuses créatures que je vous parlais, quand vous allez les tuer, vous allez ramasser des composantes et vous allez pouvoir vous créer jusqu'à deux rêves qui vont vous accompagner. Et dépendamment de la quantité de ressources que vous mettez dessus pour les créer, la quantité de fois que vous les utilisez, ils vont devenir plus forts. Un peu comme des Pokémon, si vous voulez. Puis ils ressemblent à des Pokémon. Mais je vous dirais que ça amène une autre nouveauté parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans le jeu. Fait que ça vous permet de diversifier vos compagnons. Chacun a leurs points faibles, leurs points forts. Et en même temps, il y a des attaques limites, un peu comme qu'est-ce qu'on connaît dans les finals, les grosses attaques spéciales, où dans le fond, vous allez fusionner avec ces créatures-là et vous donner des attaques spéciales que vous allez pouvoir utiliser contre boss et ennemis. Donc, c'est quand même une nouveauté intéressante. Moi, mon opinion, je dirais qu'il y a peut-être juste l'aspect... parce qu'ils ont mis un peu un aspect Tamagotchi, un peu à ça. Je dirais que c'est peut-être le petit malus, à cause qu'il faut donner de l'attention à ces bébêtes-là, puis les nourrir, sinon ils nous aimeront pas, puis ils seront pas forts, puis ils nous aideront pas. Moi, personnellement, j'ai d'autres choses à faire quand je joue à Kingdom Hearts que d'aller dans mon menu pour aller donner un bonbon à ce monstre-là, là, personnellement. Là. Mais au moins... Quand ils donnent de quoi, on a la paix pendant un bon moment. Là. T'sais, j'ai joué 2 heures, puis je suis allé les nourrir une fois. Là. Fait que c'est quand même pas si pire. Donc, pour terminer un peu cette critique-là, cher Andrew, toi, pour les fans de cette franchise-là, est-ce que tu le recommandes comme étant un... Mais je veux dire, aussi, il y avait aussi cette question-là avant d'en arriver à la fin. Est-ce que le 3DS amène une dimension différente intéressante à la franchise? Est-ce que l'effet 3D vaut la peine? Est-ce qu'ils vont se servir de ça dans le gameplay? En fait, l'utiliser dans le gameplay, non. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? C'est qu'ils l'ont vraiment utilisé pour les cinématiques. Comme vous savez, Square Enix, c'est un des studios qui fait les plus belles cinématiques, les plus intéressantes à regarder dans l'univers du jeu vidéo. Donc, tu sais, je vous dirais que si vous voulez vraiment avoir des cinématiques à de la gueule qui sort vraiment bien sur l'écran de la 3DS, c'est le jeu qu'il vous faut, parce que vraiment, juste l'intro, je l'ai regardé, j'ai été bluffé. L'intro est vraiment d'une beauté incroyable. Il y a des cinématiques vraiment très intéressantes avec l'action. Et je vous dirais que c'est un des seuls jeux de 3DS que j'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'il y avait des choses qui sortaient de l'écran. T'sais, comme je vous parlais, dans le fond, là, de la 3DS, un des défauts que le monde y reprochait, c'est que c'est plus un effet boîte. Il n'y a rien vraiment qui sort de cet écran-là en fait d'effet, puis c'est normal, c'est la technologie qui est ainsi. Mais celle-là, il y a des effets de lumière, des textures, des choses comme ça qui ont été spécialement faites pour les cinématiques qui donnent cet effet-là bluffant. Je ne vous dis pas que ça, vous allez avoir l'impression de vous faire garrocher de quoi dans la face, mais des fois, vous allez faire « Hmm, crime! » Le relief, il sort bien sur cette cinématique-là. Donc, je vous dirais, très intéressant. Sinon, en frais de gameplay, je vous dirais que non, en tant que tel. Peut-être le petit désavantage, c'est qu'on voit un brouillard un peu pour la distance, mais ça, c'est à cause de l'écran. T'sais. Si on active l'effet 3D, c'est pour simuler l'effet de distance. Si on l'éteint, on l'a plus. Fait que, tu sais, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment eu d'exploitation au point de vue gameplay là, pour cet écran-là. Là. Finalement, la note totale du roux pour ce jeu, cet opus de Kingdom Hearts? Je vous dirais 8.5 sur 10. Donc, finalement, les habitués de la série doivent aller se l'acheter, selon M. Andrew Castegan. Oui, tout fan de la série devrait l'avoir dans sa bibliothèque. Excellent. Mais merci beaucoup, Andrew, pour cette chronique et cette critique de Kingdom Hearts 3D que vous pouvez aller vous chercher chez vos meilleurs vendeurs de jeux vidéo. On continue en musique après la critique de M. Castegan avec une chanson qui s'appelle « Je t'emmène au vent » de Louise Attac. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette bonne chanson de Louise Attaque. Et on y va, justement, on va attaquer nous-mêmes avec des nouvelles ludiques. Et on vous parle tout d'abord de Baldur's Gate Enhanced Edition qui est en retard, et oui, et vous allez voir, c'est pour une bonne raison. Donc, on nous dit que cette nouvelle édition-là qui s'en vient sur PC, même sur Android, iPhone, bref, il y a des versions qui s'en viennent sur plusieurs plateformes. Ben, ça a été retardé. Là. C'est un remake et une refonte du jeu original Baldur's Gate. Donc, il y a beaucoup de... Moi, j'entends déjà là, les fans qui sautent partout parce que c'était un excellent jeu de roleplay basé sur l'univers Donjons et Dragons dans l'univers de Forgotten Realms. Mais là, on disait que ça va être en retard parce que il y a trop à cause de l'enthousiasme autour du jeu. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de, il y aurait eu beaucoup de commentaires provenant des joueurs de la communauté de fans qui leur ont dit prenez votre temps, prenez le temps que ça soit bien fait, qu'on ait un produit de qualité avant de l'avoir sur le marché. Et c'est ce que les gens du studio Beamdog qui s'occupent justement de cette refonte-là font. On vous rappelle que ça va être un lifting graphique pour ce jeu-là, mais aussi qu'il va y avoir des nouvelles zones, des nouveaux personnages et aussi des plusieurs heures de gameplay supplémentaires. En gros, ils veulent pas faire un Diablo. Ouais, ben c'est ça. J'ai vraiment hâte de revoir Baldur's Gate. Ça fait des années que j'ai pas touché à ça. Un classique, justement, du jeu de rôle sur PC. Ça fait longtemps que je suis pas... Skyrim, c'est excellent. Mais je m'ennuie un peu d'un Neverwinter Night dans les très bons jeux RPG qui étaient sortis dans les dernières années. Là. Je m'ennuie de ça. J'ai hâte de revoir quelque chose du genre. Baldur's Gate, ça y ressemble un peu. Donc, j'ai hâte de voir ça tout plein. Autre nouvelle, pas très étonnante. Déjà, rupture de stock pour la Wii U. Eh oui, mesdames et messieurs. On l'avait-tu calé? Eh oui, ben là, Nintendo fait ça. En tout cas, de la Wii, c'était ça. Contrôle les quantités, créons l'effet de rareté. C'est la stratégie pour toutes les fêtes. Toutes les fêtes, on en fait passer. On vend en débile en pré-vente. Après ça, après les fêtes, oh, il n'y en a plus jusqu'à l'été prochain. C'est ça. Puis là, il va y avoir des superbes lignes d'attente dans les centres d'achat, mesdames et messieurs, parce qu'ils vont avoir... Ils vont en avoir quelques-unes sur les planchers, mais ça va être des files d'attente énormes pour essayer d'avoir une... Je me souviens de mes années de vendeur électronique où au Boxing Day, on répondait simplement « Bonjour, magasin X. Non, on n'a plus de Wii » et que le trois quarts des gens raccrochaient directement. Oui, tout à fait. Je comprends tellement. Je travaillais dans un magasin, moi aussi. Le magasin B. Non, moi, c'est le magasin Grande Surface Z. OK. Ah. Donc, pour continuer avec cette nouvelle-là, ben, c'est la Wii U Deluxe, en fait. En fait, GameStop, pour ne pas le nommer, un des plus gros vendeurs de jeux vidéo en Amérique, là. Ben, on se paye des précommandes concernant le modèle Wii U 32 GB de mémoire. Donc, ils nous disent que Nintendo aurait la difficulté à répondre à la demande et les quantités de Wii U de luxe prévues pour le lancement seraient insuffisantes. C'est sûr, c'est fait pour ça. J'ai mon doigt dans mon œil jusqu'au coude. Et voilà, on est cave, nous autres. Bref, mesdames et messieurs... Mais consolez-vous, paraîtrait qu'il en reste de 8 gigs. Ouais. Moi, ce que je trouve encore plus louche là-dedans, c'est GameStop est le plus gros des distributeurs de Nintendo en Amérique du Nord. Ils sont pas mal main dans la main, ces deux-là. Ben, en tout cas, ils ont pas mal main dans la main avec Ben. C'est No Blade. C'est clair. Je mets encore sur le cœur, désolé. Donc, voilà, pour les gens qui pensaient se précommander une Wii U, ça va être très difficile, voire impossible d'ici le temps des fêtes. On verra après ce qui se passera. Et M. Castellan avait aussi, parce qu'il faut se rappeler aussi que depuis hier, c'est le Tokyo Game Show, et il y a quelques nouvelles qui sortent, mais pas tant que ça. J'ai pas vu de grosses annonces pour le moment. Il faut dire que ça a commencé hier. Ouais, ben, il y a eu la conférence de Sony, mais ça, je vais te laisser le privilège d'en parler un peu, parce qu'ils ont répété seulement qu'est-ce qui est sorti quelques jours avant le Tokyo Game Show. Ouais, mais en fait, on va vous en parler. Ben, parlons-en tout de suite. Qu'à avoir abordé le sujet. Parlons de la nouvelle console de Sony. Et non, mesdames et messieurs, je ne parle pas d'une PS4, je parle de la PS3 Ultra Slim. Et encore plus fragile, encore plus facile à briser, mais moins cher. Mais moins, ben pas tant que ça, je te dirais. Mais il faut dire que la Slim, présentement, le modèle que la majorité des gens ont, est quand même bien, pas fragile en tant que tel. Les gens vont pas faire du jogging avec, quand même. C'est sûr. Mais c'est pas une console portable. Pour le moment, je la trouvais plus fiable que la grosse PS3 qui était sortie. Mais la grosse PS3 est assez grosse pour que tu puisses mettre un grill dedans. Il y avait eu des images là, tu peux faire un barbecue avec. Pourquoi pas? Et Sony qui nous annonce ça finalement pour le temps des fêtes. Et pour la PS3, pour un 250 GB, ben à 270 $, puis 500 GB à 299 $. Il y a même une version pour les Européens à 12 GB. avec pas, c'est vraiment pas beaucoup d'espace. C'est de... quoi que ça? C'est ça, je me demande. En deux, tout cas, deux jeux installés, c'est tout. En tout cas, donc bref, ah, il va y avoir un bundle avec les États-Unis, par exemple, pour le modèle à 269$. Vous allez pouvoir avoir un bundle avec Uncharted 3, Drake's Deception. Et vous allez pas même... j'essaie de traduire en même temps. Possibilité d'avoir aussi le jeu online Dust 514. Donc, ou 514, tout dépendant de comment vous voulez le dire. Et il va y avoir aussi le modèle 500G qui va être lancé en standalone et en bundle avec le jeu Assassin's Creed 3. Donc, les gens qui n'ont pas de PlayStation, c'est toujours un bon... une belle façon avec le bundle, là, avec des deux jeux très intéressants. Là, de toute façon, pour reprendre le slogan de Sony, ça fait tout et c'est pratiquement vrai à part des toasts. Ouais, c'est une bonne machine. Mais t'as-tu déjà essayé de mettre une tranche de pain dans le lecteur? De ma fat, ça probablement ferait cuire la toast, oui, effectivement. Sûrement. Ça dégageait assez de chaleur. Fait qu'effectivement, ça peut faire mais des toasts. Mais elle fait toujours moins de bruit que ma Dreamcast. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de PS3, ça vaut la peine. Allez-vous chercher ça. Sinon, ben les autres affaires que Sony ont parlé, c'est les bilans. C'est... Non, mais Sony, au Tokyo Game Show, ils n'ont jamais fait de grosses annonces. En c'est fait. Nintendo pas mal. Hein, normalement, c'est Nintendo qui fait des grosses annonces. Pour le moment, on l'attend encore. Ben, je pense que c'est demain. Nintendo ou après-demain. Mais qui sait? Après X attente, on va peut-être avoir des specs pour. Mais sinon, Wii. Sony ont pas mal juste fait des bilans. Mettons, les ventes de la PS Vita, ça va comment? L'état financier, pis tatati, tatata. Tu sais, des choses que nous, joueurs, on se préoccupe. Yeah, right. Oui, on fait beaucoup d'argent. Mais sinon, il y a Sega qui a fait une annonce quand même très importante, à mon opinion, parce que ça a été un des classiques de la Dreamcast. Sega ont annoncé que la version PC, Vita, Android et iPhone de Phantasy Star Online 2 va sortir en Amérique en 2013. Hourra! Je l'ai attendu depuis le premier un peu sur la Dreamcast, justement. Qui date de v'là 10 ans. Un peu un Duke Nukem Forever que Sega nous fait ici. Mais on va leur espérer qu'il va avoir un meilleur succès et des meilleures critiques que Duke Nukem Forever. Oui, effectivement. Mais quoi, ils ont eu la pratique depuis, on fait des Phantasy Star portables depuis, qui trucs. Mais disons que j'ai quelques images en avant de moi, puis je vous dirais que malgré que ça fait quand même un bon moment qu'il est sorti au Japon, ça a bien vieilli. Ça a très bien vieilli. Ça paraît bien. J'aurais pas de misère à installer ça sur mon ordinateur puis trouver ça beau. Non, mais on va souhaiter que tu le fasses et que tu puisses nous en parler, Andrew. Sinon, dans une chronique. Autre petite nouvelle rapide, vous allez dire, bon, ça y est, il va faire encore son vendu. Dynasty Warriors 7 Empire en février 2013. Oh, que ça sent le cadeau que tu vas te faire à toi-même. Ah, je vois pas de quoi tu parles. Et donc, tu vas nous en parler une xème fois de Dynasty Warriors à puissance maximale. Il va sortir sur PS3 et 360. Il y a une vidéo qui a de l'air tout plein hot, mais je peux pas l'écouter. Fait que... Tu nous en reparleras la semaine prochaine. Mais très content, j'ai très hâte. Dans le fond, Dynasty Warriors, c'est un peu comme les films de Michael Bay. C'est toujours plus, la même chose avec plus d'explosions. Genre. Sauf que Koei ont du talent. Ouais. Ouais, effectivement. Il y a une histoire à Dynasty Warrior. C'est ça. Transformers, pas compliqué. Mais les gens robots, bon robot. J'ai déjà dit qu'on ne parlait pas de Michael Bay sur cette émission. À part quand c'est moi pour le blast. Sinon, est-ce qu'on a encore le temps pour deux petites nouvelles rapides, mon. Ben, après la musique, parce qu'Andrew, il faut mettre de la musique. Et après cette excellente chanson, vous allez voir, vous allez avoir été content de l'avoir entendu tout de suite. Et c'est l'excellente chanson, et vous allez voir, vous le savez, toutes les émissions, je le dis, toutes les chansons qu'on fait jouer à puissance maximale sont excellentes. Et là, vous allez entendre le thème de Ghostbusters, parce que j'ai réécouté les films récemment, et c'est excellent. Hourra! Des très bons films, très bonnes comédies. Alors, vous entendez le thème de Ghostbusters à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Something strange. flash, you're just a waltz mode. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't feel you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who can you call? Ghostbusters. Who you gonna call? Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Et oui, de retour à puissance maximale. Et d'autres nouvelles rapides, Monsieur Andrew, tu avais deux nouvelles à nous dire. Ben, je sais pas si c'est des bonnes, mais tu en avais deux à nous dire avant la chanson. Une bonne, puis une... Moi, personnellement, je la trouve pas bonne, mais il y a du monde qui va la trouver bonne. Ben, vas-y, commençons par la pas bonne. La pas bonne. Square Enix nous ont teasé un peu là, au niveau de Kingdom Hearts, justement, au Tokyo Game Show, ils ont fait... Préparez-vous, on va avoir de la grosse nouvelle à vous annoncer. Et ça nous, sentait le troisième opus. C'est ça, t'es, nous, en tant que fans, on se disait, oh, hey, Kingdom Hearts 3, sa PS3, ça serait bien, t'sais, le temps des fêtes, l'élaborescence secret. Mais je vous annonce que bel et bien Kingdom Hearts qui va sortir sur PS3. Mais, ça va être Kingdom Hearts 1.5. Donc, un remake de Kingdom Hearts 1 et de Kingdom Hearts Chain of Memories. Mais vous n'avez pas le 2. Puis ils vont vous sommariser Kingdom Hearts 358 sur 2 Days, qui est comme l'opus DS de Kingdom Hearts en cinématique. Ah, c'est le fun. Ah, c'est incroyable. Ah, enfin, un autre remake HD. Ça suit un peu la mode des remakes HD dernièrement. Là, un peu, on a eu Zone of the Enders, on a eu Prince of Persia. Mais c'est correct en même temps. Non, mais c'est, ça serait correct. Mais annoncez pas ça en grande pompe. Attention, grosse annonce. Non, mais ça me rappelle. Au moins, s'il y aurait mis le 2. Oui, effectivement. Tu sais, pogner tout ce qui est sorti sur PlayStation 2. Une vraie collection. Hein? Puis faire comme ce qu'ils ont fait avec God of War. Ouais, effectivement. Tous les God of War sur le même 1, 2, 3, les opus PSP, ça PS3 en HD, Rock On, ça c'est un pack HD. Mais pas Kingdom Hearts 1.5. Ce que Square vient de faire, ça me fait penser un peu ce que Marvel a fait en réponse au New 52 DC Comics. The Next Big Thing. Ils ont eu une conférence de presse, une Comic-Con, c'était gigantesque. C'est comme, on annonce le Next Big Thing pour Marvel. Ça y est, ils vont relauncher le complet. Ben non, ils ont annoncé une nouvelle série de Spider-Man. Okay. Parmi les 36 autres. Et autre nouvelle, Andrew, c'est la bonne, selon toi? Oui, en fait, j'avais déjà parlé à l'émission du jeu Shadow of the Colossus, jeu, dans le fond, là, qui a été fait par les créateurs de ICO, qui étaient des genres de jeux d'aventure, pas tant action, mais t'es quand même assez poétique, des jeux qui ont de la gueule, dans le fond. Et il avait annoncé, voilà, plusieurs années, je recule en arrière, genre début de vie de la PS3, donc ça fait un bon moment, un jeu qui s'appelle The Last Guardian, qui est dans le fond, avec les cinématiques, on voyait un jeune, dans le fond, qui était suivi par une espèce de chimère, tête de chihuahua avec des ailes puis des pattes d'oiseau, là. Bref. Tête de chihuahua, je crois que ça ressemblait à une hyène, moi. Ça ressemble pas à un chihuahua, pas en tout. Oui, une hyène, peu importe. Même affaire. C'est pareil. Tellement. Mais bref, vous voyez, une genre de chimère un peu, là. Puis il y avait de l'aide de travailler en équipe, puis tout ça. On n'a pas vraiment eu de nouvelles de ce jeu-là ou qu'est-ce qu'il allait faire. Mais plus que ça venait du studio de Shadow of the Colossus, bien, tout le monde a fait « Hurrah, ça va être bon! » Mais il a disparu de la map. À un point tel où le monde, il pensait qu'il était annulé, qu'il allait être un vaporware comme Duke Nukem Forever et tout ça. Mais le studio a dit « Patience, chers fans, ce jeu n'est pas mort. » On a juste fait une erreur, on l'a annoncé trop tôt. Et on a pogné un nœud dans le développement, puis on est pogné. Fait qu'il dit, inquiétez-vous pas, on a mis tellement d'argent là-dessus, il va sortir. Fait que la bonne nouvelle, c'est que dernièrement, beaucoup de monde se disait, mon Dieu, ce jeu-là est annulé. Mais non, il n'a pas été annulé, il est juste retardé. Voilà. Bon, une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient ce titre des studios qui ont créé Shadow of the Colossus et ICO. Autre nouvelle, Dragon Age 3 Inquisition officiellement annoncé. On savait quand même, là, on en parlait, là, parce que on se rappelle que Dragon Age 2 avait pas fait vraiment l'unanimité auprès de la communauté des fans de la série. Trop linéaire, pas assez d'heures. Il manquait beaucoup de trucs comparé au premier titre de la série. Et là, on se retrouve avec un Dragon Age 3 Inquisition, qui donc, ça nous a été confirmé. Là, on nous annonce ça pour la fin de l'année 2013. Un nouveau moteur graphique basé sur la technologie Frostbite 2. Ça, j'ai hâte de voir ça. On n'est pas rendu au 3. Battlefield, ça? Ouais, Battlefield 3, mais c'était pas Frostbite 3, l'engine? Bonne question. Je vais essayer de trouver la réponse. C'est bon. Pendant ce temps, ben, Frostbite, quand même, c'est des bons engins graphiques. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ça. Malgré que le 2 était quand même assez impressionnant dans le dernier titre. Mais bon, c'est surtout le problème, justement, du scénario beaucoup trop linéaire et du manque. Je trouve que le storyline était moins intéressant. Moins de possibilités, moins de races, moins de... Mais ce que j'avais l'impression qu'il en avait donné à l'époque, c'est qu'il avait pris un peu Mass Effect 2 puis qu'il avait mis un skin de Dragon Age par-dessus. Ah, peut-être, ouais. J'ai la réponse. L'engine de Battlefield, c'est Frostbite 2. Ah, voilà. Et Battlefield 4 va avoir l'engine Frostbite 3. Donc, on se rappelle, pour ceux qui n'ont jamais joué à Battlefield 3, c'est un Christi de bel engin graphique qu'on a. Donc, application RPG, j'ai hâte de voir. Donc, c'est ça. Mais ils nous annoncent, BioWare annonce qu'ils vont vraiment être ouverts aux commentaires des gens, là, parce qu'ils veulent vraiment prendre compte vu ce qui s'est passé justement avec Dragon Age 2. Donc, une belle annonce pour les amateurs de RPG. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré les rumeurs, ça sera pas un MMO. Oui, effectivement. Ça, c'était une grosse crainte que j'avais moi aussi. Là. Moi, j'haïs les MMO. Je trouve pas de bonnes raisons de jouer à des MMO. Là. Donc, je suis bien content que ce soit un bon vieux RPG classique, là, justement comme on connaît Dragon Age. Et on va rester dans BioWare parce que les papas, donc les fondateurs de BioWare, prennent leur retraite. Et oui, Ray Muzyka et Greg Zeschuk, les deux docteurs à l'origine jusqu'à présent de la tête du studio BioWare, annoncent aujourd'hui qu'ils quittent l'industrie du jeu vidéo pour se tourner vers d'autres aventures. Et là, je vous cite la nouvelle du site jeuxvideo.com. Donc, ils ont écrit sur leur blog respectif pour expliquer rapidement les raisons de ce départ. Pour Muzyka, ben, c'est le souhait d'encadrer et de soutenir de nouveaux entrepreneurs dans le domaine social. Et Zeschuk, lui, compte pour sa part se consacrer à une autre passion, la bière. Et à puissance maximale, c'est aussi une autre de nos passions, la bière. Bien la connaître, la boire et la déguster. Donc, il veut travailler sur une émission Internet où il s'entretiendrait avec des brasseurs pour présenter leur bière. Appelez au Québec, monsieur. On a d'excellentes microbrasseries qui font de l'excellente bière dont on aime... s'intoxiquer toutes les semaines, modérément, bien entendu. Donc, voilà. Parce que la modération a bien meilleur goût. Eh oui. Donc, EA n'a pas encore annoncé ceux qui vont remplacer les deux fondateurs. On rappelle rapidement que BioWare a été créé en 95, qui est à l'origine de nombreux succès, et on vous l'a dit rapidement, j'ai joué à plusieurs de ces jeux-là, dont Neverwinter Nights, excellent, la trilogie Mass Effect, j'ai pas encore joué. Oui, je m'en excuse. Je suis éthique. Oui, effectivement. Star Wars Knights of the Old Republic, excellent RPG. Et bien sûr, le MMO, le récent de Old Republic. Et travailler sur Dragon Age 3. Et ils ont aussi travaillé sur les autres Dragon Age également. Et Command & Conquer Free to Play. Donc voilà. Bonne chance à ces deux hommes qui nous écoutent sûrement. Félicitations pour leur beau travail. Et en finissant avant pour une autre chanson, Mass Effect, un nouvel épisode a été annoncé. Donc il va avoir ils nous ont confirmé que la série ne s'arrêterait pas à 3 volets, mais ils vont faire donc ce qu'ils nous annoncent, c'est un prequel, donc d'après ce que j'ai pu lire. En tout cas, c'est pas très clair, là, d'après ce que j'ai vu sur la nouvelle, ils savent pas si ça va être juste un spin-off ou un jeu complet. Bref, il va y avoir quelque chose d'autre qui s'en vient après Mass Effect 3. Donc après ces nouvelles en rafale, une autre excellente chanson que vous allez entendre à puissance maximale, ça s'appelle Nobody Gets Out Alive du groupe Skindred. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are in on. Oh, and no. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba hip-hop. Unity sound, keep that groove non-stop. And every displeasure, so this one will survive. Strength and power, I gotta keep them alone. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are unknown. Oh, we know. Spin drag, we in our area. Bring it back, cause you know we're superior. Come on, them a try flex, really show them the rag a pampa. Watch them at twist. Sting like a scorpion, buzz like an e. Full of fast, officita, go drop, drop, toy. This is what we want here. You got to know. If you think you're a star, come and have a go. My show, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are the road. Oh, we know. We're in our area. When we rock out, you know we're superior. Yeah, you know we earn it all. Nobody gets out on this shopping online. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets out on this shopping online. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets out on this shopping online. Come find me one and go on, sisters, and I'm a bitchy. Nobody gets out on this shopping online. Come back to Lumber, back to Lumber. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec un monsieur qui vient de se joindre à nous, monsieur François Gécouillard. Hey, hey! Ça va bien, François? C'était carré. Et oui, on a appris que François allait être le nouvel animateur qui allait nous suivre à CKIA, qui va nous présenter le Cirque Aquatique Magique, émission que je qualifierais moi-même de burlesque, amusante et complètement déjantée, qui nous présente différents clips audio et musique et les commentaires toujours pertinents de M. Couillard. Et ça va me donner une occasion pour revenir à l'émission peut-être à la fin de ton émission. Eh oui, ben oui, toujours. Nous autres, on est toujours contents de t'avoir, grand Manitou de Puissance Maximale, ça, fondateur. Non, mais c'est le cas de le dire, nous autres, à Puissance Maximale, on les a-tu, les primeurs? Effectivement, vous l'apprenez en primeur, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute tout de suite après Puissance Maximale, d'ailleurs. Puis surtout que t'es, c'est une légende, là, on s'entend. Ouais, monsieur François, on aime toujours l'entendre. Et d'ailleurs, parce qu'on fait un historique rapide, t'étais ici à CKIA avec cette émission-là, puis là, t'es allé à CKRL à un certain moment. De retour à CKIA. C'est pas la première fois que je fais ça, je suis tout le temps. Ouais, tu te promènes. Qui me donne. Ah, OK. Là, la dernière fois, à la CKRL, on avait entendu une excellente entrevue avec mon oncle Serge. Ah. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, restez là. Tout après Puissance Maximale, c'est le cercle aquatique magique avec François Gécouillard. Et là, on y va avec un petit top 10, mesdames et messieurs. Et un top 10 à la Forbes, donc les gens les plus riches, mais de l'industrie du jeu vidéo. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de Japonais dans la gang. On va commencer par le numéro 10, Jason Jones, cofondateur de Bungie. Donc, Bungie, c'est le studio qui fait Halo. Tu sais, le jeu qui est tout le temps pareil, mais que le monde capote pareil. Tu es comme Call of Duty. C'est comme l'iPhone. Oui, NHL. Voilà. 2 mm de plus sur l'écran sur l'iPhone. C'est révolutionnaire. Jamais personne a fait ça dans l'industrie. Attends un peu, est-ce que quelqu'un copie et... Ouais, c'est ça, si vous mettez une 4 pouces. Samsung, attention, pouce. Je vais citer ici un de mes collègues fans de Apple. C'est révolutionnaire parce qu'il n'y a aucun téléphone intelligent autre que Apple. Ouais, c'est ça. Oh, les autres téléphones, c'est pas des téléphones intelligents. Bref, Jason Jones, fortune personnelle non connue, mais à l'origine de l'une des licences donc les plus rentables. Ça, je trouve ça drôle qu'ils mettent dans. D'ailleurs, ce top 10 vous parvient du site mygaming.co.za, site sud-africain, rapporté sur jeuxvideo.com. C'est-tu fiable, ça, comme site? Jeuxvideo.com, oui. L'autre, je le sais pas. Mais si jeuxvideo.com l'ont mis, c'est qu'ils ont dû vérifier. Normalement. On va leur souhaiter. Mais c'est toujours le fun de parler de la fortune des autres. Neuvième position, M. Richard Garriott. Garriott, oui, c'est créateur d'Ultima. Lord. Voyons, si les geeks savent tout ça. Mais pas nous autres. C'est lui qui est allé dans l'espace. Ah ouais. Oh oui. Il est très riche, il a payé un billet puis il est allé dans l'espace. Il a fait comme notre clown national. Exactement. Mais un peu cool parce que lui, c'est Richard Garriott, créateur d'Isma, fortune personnelle non connue encore, mais propriétaire de nombreux biens valeurs, s'est acheté un billet pour la station spatiale justement au prix de 30 millions de dollars. Donc 9e position, 8e position pour monsieur Don Matrick, actuel vice-président de l'unité Interactive Entertainment Business de Microsoft, a quitté EA avec 21 millions de dollars de stock options. Donc c'est tout plein de sous. 7e position, Bobby Kotick, président actuel d'Activision Blizzard. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Ouais. Un salaire annuel estimé à 8,3 millions. World of Warcraft a sûrement beaucoup de choses à voir là-dedans. Là. Effectivement. Mais c'est pas une époque où les gars de Blizzard étaient pas payés, étaient payés au profit du jeu. Je crois qu'avec Diablo, Diablo 1, Diablo 2, il avait été payé, oui, salaire minimum, mais strict minimum pour d'overtime. Puis ce qu'il allait faire, c'est qu'il y avait des parts, des profits. C'est que les premiers gars qui ont fait Diablo, qui ont fait Warcraft, ça s'en sont mis plein les poches. Ah, c'est clair. Désolé, j'ai perdu la voix. C'est clair. Après ça, il y a en sixième place, M. Yasuhiro Fukushima. Oui, Fukushima, vous avez bien entendu. Fondateur de Enix. Autre compagnie légendaire. Fortune personnelle estimée à 660 millions de dollars. Rien que ça. Cinquième position, Hajime Satomi, fondateur de Sammy Corporation, actionnaire majoritaire de la compagnie Sega. Gros, encore éditeur de très bons jeux, entre autres de la série Yakuza. Fortune personnelle estimée à 1,5 milliard de dollars. Quatrième position, Gabe Newell, fondateur de Valve. Donc, Half-Life. Attend toujours après Half-Life 3. Oui, je pense que c'est pas fini cette attente-là. Fortune personnelle estimée à 1,5 milliard de dollars. Troisième position, et là, on n'est pas vraiment surpris, mais ça fait chier un peu. Mark Pincus, fondateur de Zynga, donc tous les Farmville et autres jeux aussi tellement intéressants. Ah oui. Ah non, mais c'est la folie furieuse. Et en plus, les gens payent pour avoir plus d'items, pour pouvoir cliquer plus longtemps. Non, mais tu comprends pas, là. Farmville 2 va être en 3D, man. Ouais, c'est ça. C'est... Maintenant, dans les jeux, là, pour améliorer le gameplay, c'est soit du multiplayer ou du 3D. C'est comme les films. Désolé, j'ai vu Thor en 3D. C'était mauvais. Deuxième, Hiroshi Yamauchi, donc ex-président de Nintendo. Donc, 11e fortune du Japon, estimée à 2,5 milliards de dollars. Oh là là. Et le premier, et non le moindre, mais vous allez voir, il n'y a personne qui le connaît. Yoshikazu Tanaka, fondateur de la plateforme de jeux sociaux, peut-être que tu vas connaître ça, GREE, G-R-E-E. Et François opine du bonnet en disant quoi, pas du tout. C'est super populaire en Corée du Nord. Ouais. Genre, cinquième homme le plus riche au Japon avec une fortune estimée à 4,3 milliards de dollars. Non, mais j'arrive pas à croire que tu connais pas ça, là. J'aime pas le ça, là. Mais à la défense du monde qui le connaissent pas, faut dire que quasiment 50% de l'industrie du jeu vidéo, le marché, c'est l'Asie, c'est la Corée et le Japon. Donc, pour nous, pauvres petits Nord-Américains et les pauvres petits européens, pour ceux qui nous écoutent. On est très petite chose. Dans beaucoup de jeux qui, à l'époque, avaient décidé. Tu sais, quand on dit que les jeux sortent pas ici puis sortent au Japon, ben, c'est une raison, c'est parce qu'ils s'en foutent. Ça game sur un méchant temps. Au pays du soleil levant. Et oui, j'ai fait une rime. Ça m'arrive pas souvent. Tu l'avais préparé, là. Ah, même pas. Je t'allais comme ça, là, ma fibre créatrice s'est exprimée. Nous sommes émus. La prochaine fois, un haïku, mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça, un haïku sur la fortune. T'as une semaine. T'as une semaine pour le faire. Le problème du haïku, c'est qu'on comprendra absolument pas. On s'en rendra même pas compte que c'est un poème. Et voilà. Moi, l'art de la subtilité rendu homme en moi. On passe la culture comme on peut. Et voilà. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Après ces sages paroles, écoutez, je dois remercier tous les gens qui se sont présentés à l'émission. Monsieur Andrew Castegan, premièrement, à la mise en onde. Toujours un excellent travail. Ah, merci. Malgré ton problème, j'aurais pu faire une signature en disant « Vous écoutez Puissance Maximale sur CKIA FM. » Tout à fait. C'est du sport, 4 micros, hein? Merci, Andrew, d'être là malgré la maladie. Et comme on dit, the show must go on. Merci à Julien Materne qui est passé comme ça à la station. Merci de tes commentaires. Ben, merci les gars. Comme je dis toujours, vous êtes beaux. Merci Julien. J'acquiesce. Particulièrement Mike. Ouais. Surtout moi. C'est pas pour rien qu'il est animateur. Tout le monde, il succombe à sa virilité par le micro. Et voilà. Et monsieur François Gécouillard qui est passé comme ça et qui reste tout de suite après, restant à l'écoute à CKIA FM pour entendre le cirque aquatique magique pour... aussi, c'est aussi ludique que Puissance Maximale, mais de façon musicale et humoristique. Différent, mais pareil. Ou pareil, puis différent. Petit, voilà. Différent, jaune. Et voilà, et mon nom, moi, c'est Mickaël Michaud, toujours content d'être là à l'animation de Puissance Maximale toutes les semaines. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Et on vous avertit, là, on n'a pas eu la chance de mettre nos dernières émissions en ligne pour des problèmes techniques. Il y en a 4 qui s'en viennent en ligne, donc dont un spécial 2 heures, donc... beaucoup d'heures pour vous, 5 heures là, de plaisir ludique à mettre dans vos oreilles. Vous pouvez aller aussi nous aimer sur Facebook, là, donc chercher Puissance Maximale sur Facebook, peser sur j'aime, et finalement aller sur ckiafm.org pour encourager la station, vous renseigner sur le Radioton qui s'en vient et un show bénéfice au mois d'octobre. Et tout ça, après avoir dit tout ça très rapidement, je vous dis bonne semaine de jeu. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, down.